Était-ce le combat de trop ? Pour terminer cette série sur la philosophie des arts martiaux, nous avions prévu une heure sur la boxe thaï en compagnie du champion Stéphane Renaisson. Malheureusement, celui-ci ne peut pas être en studio avec nous ce matin. Je vous propose donc de reporter le combat et d'embarquer dans une autre direction tout aussi captivante du côté des samouraïs, entre sens de l'honneur, maîtrise du sabre et goût du thé. Voici donc une rediffusion de l'émission, initialement diffusée le 22 octobre 2018. La figure du samouraï, c'est-à-dire du guerrier, se confond avec l'histoire du Japon au point d'en être devenu le symbole. Mais que se cache-t-il derrière le sabre immaculé et le chignon gominé du guerrier ? Quand les samouraïs sont-ils nés ? Que nous disent-ils de l'histoire japonaise et qu'ont-ils à nous enseigner de l'art de se comporter en société, devant la justice et face à la mort ? Si vous n'y connaissez rien, soyez les bienvenus, car ainsi que le rappelait l'écrivain japonais Nitobe Inazo, l'érudition est un légume malodorant qu'il faut faire bouillir et rebouillir avant de pouvoir le consommer. Bonjour Pierre-François Souy. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Nous venons d'entendre un combat de samouraï, un son auquel vous êtes habitué, non ? J'en ai jamais... ils ont disparu il y a longtemps, les samouraïs. On peut pas dire que j'ai écouté ou participé à des combats moi-même, comme vous vous en doutez bien. Mais cela dit, vous avez tellement travaillé sur la question que ce type de scène doit vous être très familier. Vous êtes... Oui, bien sûr, j'ai vu quelques films, comme tout le monde. Oui, puis alors, vous êtes historien, professeur honoraire à l'Université de Genève, où vous enseignez l'histoire du Japon et vous avez fait paraître chez Flammarion, Les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs, où l'on apprend tout sur les samouraïs et on se rend compte que ce que l'on sait en France est vraiment peu de choses par rapport à ce qu'ils étaient vraiment. Oui, c'est un ouvrage synthétique, hein, c'est un ouvrage généraliste dans lequel j'essaie de reproduire autour de la nature de ce qu'étaient les guerriers d'autrefois, une partie de l'histoire du Japon qui a duré quand même presque un millénaire. Donc c'était une petite gageure de vouloir en un livre relativement fin de vouloir essayer de retracer tout cela. D'où cette citation du début que vous venez de dire, qu'on trouve au début de votre livre. Sur l'érudition comme légume malodorant. Alors, quand les samouraïs ont-ils disparu ? Parce que j'ai commencé en disant qu'ils n'étaient plus là. Alors, les samouraïs ont officiellement disparu dans les années 1870, au lendemain de ce qu'on appelle la révolution Meiji, donc qui, elle, a lieu en 1868 avec le retour de l'empereur au centre du dispositif politique. Donc il y a toute une série de dispositions qui ont été prises au cours des années 1870 qui vont de la suppression des anciens statuts féodaux et donc du statut des samouraïs en tant que tels à un certain nombre de libérations d'édits qui contraignaient la population, comme par exemple le fait que les samouraïs sont, selon l'expression, autorisés à ne plus porter le sabre. Seuls désormais, à partir de, je crois que c'est 1876, seuls désormais les officiers de l'armée et les gendarmes ont le droit de porter une épée ou un sabre. Le port du sabre dans la rue est interdit à cette époque-là. D'une certaine façon, ces mesures sont des mesures extrêmement importantes, puisqu'elles mettent fin tout simplement à l'ancien régime des Tokugawa, c'est-à-dire l'ancien régime qu'on a souvent qualifié de féodal. Et à partir de là, le Japon entre dans une autre phase de son histoire, qui est une phase, disons, de modernisation et de création d'un État, d'un nouveau type, que nous, on peut appeler aujourd'hui l'État-nation. Parce que les samouraïs, avant cela, participaient à l'État japonais ? Alors, les samouraïs, non seulement participaient à l'État, mais ils le dirigeaient, puisque tous les dirigeants du Japon d'autrefois, à partir en tout cas du XIIIe siècle, font partie de la classe des guerriers. Guerrier, c'est une autre manière de dire samouraï, hein, ou bushi, comme on dit aussi en japonais. Donc ces gens-là, effectivement, comme toute classe féodale, étaient à la tête de l'État. Donc le shogun est un guerrier, les daimyo, qui sont les grands seigneurs du Japon, sont des guerriers, et leur vassalité est composée d'hommes qui sont eux-mêmes des guerriers. Alors il y a toute une série de statuts extrêmement, de rangs, si vous préférez, au sein de la classe des guerriers. Mais c'est la différence peut-être avec la société française, par exemple, c'est que Par exemple, l'aristocratie française en 1789 comptait pour environ 1% de la population. Dans le cas des samouraïs, c'est très différent puisqu'on est entre 5 et 7%, ce qui veut dire que les samouraïs sont la classe dirigeante et aussi une fraction de la classe moyenne. Donc c'est un ensemble extrêmement divers en réalité. Entre un grand seigneur et un petit samouraï, il y a pratiquement, enfin, il y a des différences socioculturelles qui sont extrêmes. L'histoire des samouraïs, on va essayer de la retracer ensemble ce matin, elle se confond avec l'histoire du Japon, c'est pas exagéré que de le dire, c'est vraiment la spécificité de ce pays que d'être composé en partie par cette classe guerrière qui, à certains moments de l'histoire, va dominer, ce qui n'est pas le cas des pays voisins, que ce soit la Corée, le Vietnam ou la Chine. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est apparu effectivement, un discours qui est apparu parmi les historiens japonais à l'extrême fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, quand il s'agissait de montrer que le Japon était très différent des autres pays d'Asie, et que d'autre part, le Japon, par son histoire, d'une certaine façon, ressemblait à l'histoire de l'Europe. Et donc on a cherché à montrer au Japon même qu'il existait des similarités, des similitudes entre la classe guerrière japonaise et ce qu'on a appelé en Europe la chevalerie, la noblesse armée. Et d'une certaine façon, l'existence d'une féodalité au Japon ressemble à celle de l'Occident. C'est du moins ce qu'on a essayé de démontrer. Ce qui n'est pas faux tout à fait non plus. C'est une lecture occidentale, vous dites? Non, c'est une lecture japonaise. Enfin, c'est même plus compliqué que ça, parce que les Occidentaux, quand ils sont arrivés au Japon, les Portugais en particulier, ont tout de suite fait la comparaison entre la société japonaise et la société occidentale. Ils disent, il y a comme chez nous des comtes, des chevaliers, des seigneurs. À quelle époque, là? Au XVIe siècle. Il y a aussi des villes libres, etc. Ce qui n'est pas du tout le discours qu'ils tiennent lorsque les Espagnols arrivent au Mexique, au Pérou, ou même les Portugais dans d'autres pays d'Asie. Là, il y a vraiment quelque chose qui les frappe, et de cette époque-là, vient l'idée en Occident que le Japon connaît une société féodale, discours qui est d'ailleurs repris par certains commentateurs occidentaux au cours du XVIIIe siècle. Mais cette idée que le Japon serait une société féodale, donc proche de la société occidentale, est une idée à laquelle tiennent beaucoup les historiens japonais et les idéologues. Au moment, justement, le Japon est en train de se moderniser et capable de remporter quelques batailles importantes contre la Russie, par exemple, en 1905. Donc, comment s'expliquer que le Japon, finalement, devient une puissance capitaliste, impérialiste? La réponse est toute simple, c'est que nous sommes comme les Occidentaux. Nous avons la même histoire que les Occidentaux. Et même les marxistes expliquent que si le capitalisme s'est développé au Japon avant le reste de l'Asie, c'est parce que justement au Japon, il existait une société différente de celle de l'Asie qui fait du Japon une différence totale, une différence très significative avec ce que sont les sociétés chinoises, coréennes, vietnamiennes, etc. Donc ce discours n'est pas un discours neutre. C'est un discours qui apparaît dans un contexte particulier et qui a une signification profonde. Il s'agit de montrer ou de justifier, voire même de légitimer, la nouvelle puissance du Japon dans le cadre de ses relations internationales. Donc il y a toute une réflexion à partir de ce moment-là, de comparaison entre ce que fut la société japonaise et ce que fut la société occidentale. Alors ce discours, évidemment, est un discours aujourd'hui largement périmé, remis en question, mais il a été, disons, prégnant jusqu'en nos années 1960 quand même. Et donc l'opposition entre les samouraïs guerriers d'un côté et la bureaucratie de l'autre, pour dire que la première était plus prégnante au Japon que dans les pays voisins qui, eux, étaient gouvernés par la bureaucratie, est schématique et ressort d'un discours un peu fabriqué par les Japonais eux-mêmes, c'est ce que vous dites? Oui, c'est un discours, c'est pas totalement faux. Mais c'est orienté. Ce type de discours ne relève pas de l'utopie la plus totale. Je veux dire, ça repose sur un certain nombre de bases qui sont justes. Moi, personnellement, je pense qu'il y a eu une société féodale au Japon. Je pense que les guerriers, ça veut pas dire qu'ils sont semblables ou qu'ils ressemblent aux chevaliers d'Occident, mais il y a quelque chose quand même qui est très différent de ce que fut la dynamique de la société chinoise, de la société coréenne, par exemple. Alors, avant de remonter le fil de l'histoire des samouraïs qui sont apparus à un moment donné dans la société japonaise, on verra pourquoi à cette période en particulier, je vous propose qu'on écoute un texte qui jette un autre regard sur le samouraï. On a commencé avec un bruit de combat et probablement de ventre éventré, puisque c'est une des premières choses qu'on annonce quand on parle des samouraïs. Dans le texte que nous allons entendre, vous allez découvrir un point très important pour les samouraïs, qui est la mise en beauté. Écoutez ce texte lu par Shemsoda. Il y a encore 50 ou 60 ans, Les samouraïs faisaient leurs ablutions chaque matin, se rasaient la tête et parfumaient leurs chignons. Ensuite, ils coupaient leurs ongles de mains et de pieds, les limaient avec une pierre ponce et enfin les polissaient avec de l'herbe koganée. Ils ne montraient jamais aucun signe de paresse en la matière et faisaient très attention à être soignés. Le samouraï vérifiait ensuite son sabre long et son sabre court pour s'assurer que la rouille ne les détériorait pas. Il les débarrassait de la poussière et les nettoyait pour leur rendre leur éclat. Prendre un tel soin de son apparence peut sembler une manifestation de fatuité, mais cette coutume ne ressortissait pas à un penchant pour l'élégance ou le romanesque. On peut être appelé à tout moment à livrer une dure bataille. Si on y trouve la mort en ayant négligé les soins personnels, on fait preuve d'un relâchement général des bonnes habitudes et on s'expose au mépris et au dédain de l'adversaire. Les temps ont bien changé au cours des 30 dernières années. De nos jours, quand de jeunes samouraïs se réunissent, ils parlent d'argent, de profit, de perte, de la manière de gouverner sa maison, des critères pour juger de la valeur de l'habillement et échangent des propos grivois. Jadis, jusqu'à l'âge de 20 ou 30 ans, un jeune homme n'avait aucune pensée pour les choses matérielles ou indélicates. Aussi n'en parlait-il jamais. Si par accident, en sa présence, les hommes d'âge mûr laissaient échapper de leurs lèvres quelques réflexions déplacées, il se sentait aussi affecté que s'il avait reçu une blessure physique. Les samouraïs se parfument le chignon sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h12, c'est le premier temps de notre série sur le Japon. Jusqu'à jeudi, nous parlerons du Japon, des différentes philosophies du Japon. Aujourd'hui, des samouraïs, l'éthique des samouraïs en particulier, en compagnie de l'historien Pierre-François Souiri. Le texte que nous venons d'entendre s'appelle Hagakure. Est-ce que je le prononce bien? Bon, merci. Quel est ce texte? Parce qu'il est fondamental pour comprendre l'histoire des samouraïs. Pas du tout. Ah bon? C'est un texte qui a été considéré dès... Enfin voilà, il a été écrit par un samouraï qui s'appelait Yamamoto Tsunetomo. L'ouvrage, Hagakure, signifie « caché parmi les feuilles ». C'est un texte un peu fou, qui est une sorte de caricature du Bushido, c'est-à-dire de la voix du guerrier, enfin du code des guerriers. Et ce texte était destiné donc à son propre seigneur, qui, le recevant et le lisant, a dit, enfin, je ne sais pas s'il l'a dit vraiment, mais enfin, il a sans doute pensé, ce type est fou. Et donc, l'ouvrage a été interdit de publication immédiatement, et il est resté dormir dans les greniers du château du seigneur, jusqu'à ce qu'un historien le redécouvre dans les années, je crois, 1906 ou 1908, et le publie à ce moment-là. Donc, l'usage qu'on a fait de ce texte est un usage du XXe siècle. Ce texte n'a eu aucune importance en son temps. Il est simplement le représentant, enfin, peut représenter d'une certaine façon ce qu'ont pu penser certains samouraïs, qu'on va qualifier, disons, de un peu réactionnaires, au début du XVIIIe siècle, lorsque l'ordre qui est maintenu par les Tokugawa, l'ordre pacifié qui est maintenu par les Tokugawa depuis le début du XVIIe, donc depuis un siècle à cette époque-là, finalement finit par, disons, rendre un certain nombre de valeurs de la classe guerrière un petit peu désuètes. C'est ce qu'il dit en disant « autrefois c'était mieux, maintenant c'est terrible ». Oui, il y a une grande nostalgie, voilà, d'un exactement. Ordre qui n'est plus. Voilà. Mais ça veut dire que tout ce qu'il indique quant aux soins de l'apparence, ah non, ça, c'est, que porte le samouraï est faux. Ça peut être vrai. Il y avait chez les samouraïs l'idée que il fallait être extrêmement méticuleux, extrêmement frugal aussi dans sa vie quotidienne. Et que soigner son corps de façon à apparaître et ne pas être ridicule, car c'est ça en fait qui les caractérise d'une certaine façon, la peur d'être ridicule, c'est-à-dire d'être déshonoré. Donc l'honneur, le maintien de l'honneur, l'honneur de son nom, l'honneur de son sang, l'honneur de son rang, sont des vertus absolument cardinales parmi les guerriers de cette époque-là. Là, on est au début du XVIIIe siècle. Mmh. Et d'une certaine façon, ce texte reproduit cela. Ça, c'est vrai. Mais il a des phrases encore plus fortes quand il dit au début, je cite de mémoire, « J'ai compris une chose, c'est que le Bushido, c'est apprendre à mourir. » Donc la mort est au centre de son discours, que le Seigneur d'ailleurs a considéré comme un peu suicidaire, à vrai dire. Le Bushido, qu'est-ce que c'est ? Alors le Bushido, c'est la voix du guerrier. C'est un terme qui apparaît assez tardivement dans l'histoire du Japon. Je rappelle que les samouraïs sont apparus, ou les guerriers japonais sont apparus au cours du Xe siècle, on va dire. Et là, le terme de Bushido apparaît à la fin du XVIe siècle. Donc c'est très bien longtemps après leur émergence en tant que groupe social. Alors cette voix des guerriers, c'est une expression qui d'ailleurs voisine avec d'autres, moins connues chez nous, mais tout aussi importantes à l'époque, comme par exemple Otoko no Michi, c'est-à-dire la voix des hommes. Et Otoko étant vraiment les hommes par rapport aux femmes. Les femmes ne peuvent pas comprendre ce que c'est que le Bushido par nature. Les vrais hommes, eux, comprennent. Et les vrais hommes, il n'y en a qu'une seule espèce, ce sont les samouraïs. Les roturiers, les artisans, les paysans ne sont pas de vrais hommes. Donc cette idéologie est née à la fin du XVIe siècle et elle se matérialise dans un certain nombre de textes au cours du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, à un moment où, justement, les guerriers ne font plus la guerre parce que le système s'est pacifié. On apprend aux guerriers qui sont donc des descendants de combattants, on les apprend à obéir aux règles, maintenir la stricte hiérarchie au sein du fief, gérer les intérêts du seigneur, bref, se transformer en bureaucrate, en administrateur. Et d'ailleurs, ce qu'on met en avant à cette époque-là, c'est pas du tout le Bushido, c'est le Shido, c'est-à-dire la voie du lettré. Le Bushido paraissant, à vrai dire, un peu désuet aux élites à partir du moment où les samouraïs n'ont plus à faire la guerre. Mais il y a une sorte de conscience de la perte, en quelque sorte, du fait que, précisément comme ils ne font plus la guerre et qu'ils n'ont plus à s'exposer, ils fantasment, on peut dire l'expression, la chose comme ça, ils fantasment sur ce qu'aurait dû être, ce que devrait être la véritable voix du guerrier. Et ce discours devient, dans le Japon même de cette époque, un discours un petit peu nostalgique, mélancolique presque. Dans le cas du Hagakure, c'est franchement mélancolique. Et ce discours tombe un peu en désuétude à partir du moment où, à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle, on assiste à une montée en puissance de la classe des marchands, début du capitalisme japonais, et où les valeurs traditionnelles guerrières paraissent un peu ringardes, un peu désuètes, un peu correspondant plus à ce qu'est vraiment la société. Et d'autres valeurs à cette époque émergent, dont on parle moins maintenant, mais qui sont tout aussi importantes, qui constituent en fait des critiques de la société féodale. Et ces valeurs guerrières sont en quelque sorte submergées, tendent à disparaître avec le processus de modernisation jusqu'à ce qu'elles réapparaissent. Au moment précisément où le Japon devient une puissance militaire à la fin du 19e et du début du 20e siècle, où on va chercher dans ses valeurs guerrières de quoi justifier, légitimer la valeur des armées japonaises d'aujourd'hui. Donc là, on se réfère à une époque où les samouraïs eux-mêmes étaient plutôt bien placés dans la société, ce qui en fait est un moment très précis de l'histoire, parce qu'ils apparaissent au Xe siècle, après on les remobilise, réinvestit début du XIXe. Ouais. L'âge d'or des samouraïs, c'est le XIIIe siècle à peu près. Oh, je ne sais pas s'il y a un âge d'or à proprement parler, mais c'est une histoire extrêmement longue, donc c'est très difficile de dire les samouraïs c'est ceci ou cela, parce qu'entre le Xe siècle et le XIXe, vous imaginez bien... Oui, mais dans les périodes que vous pointez dans votre livre, on voit qu'il y en a qui sont plus fastes pour les samouraïs que d'autres. Oui, mais c'est-à-dire qu'à partir de la fin du XIIe siècle, les guerriers, d'une certaine façon, inventent un nouveau type d'État, en fait, qu'on appelle au Japon le Bakufu, c'est-à-dire l'État shogunal, le shogun à la tête de ce nouvel État, qui cohabite, si je puis dire, avec l'ancienne cour impériale, qui ne la détruit pas, mais qui cohabite avec, et qui, d'une certaine façon, va durer jusqu'en 1867, c'est-à-dire à la veille de Meiji. Et cet État shogunal connaît évidemment un certain nombre de vicissitudes, il y a des guerres civiles, il y a des renversements, il y a plusieurs dynasties shogunales qui se succèdent, mais... La période, quand même, est caractérisée, enfin, on peut la diviser en deux grandes parties. Mmh. D'une part, ce qu'on nous en appelle le Moyen-Âge, c'est-à-dire la période qui va, en gros, de la fin du XIIe siècle au XVIe, qui est une période assez trouble, à vrai dire, où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de guerres seigneuriales, de guerres privées, souvent, de coalitions féodales qui s'affrontent les unes aux autres. Et puis, d'autre part, une période pacifique, qui est le Japon d'Edo, donc le Japon qu'on appelle aussi le Japon prémoderne, qui va donc de 1600 à 1867. Où là, on a la classe féodale, la classe guerrière est fondamentalement transformée. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la première partie de notre histoire, au Moyen-Âge, les guerriers sont des gens qui vivent à la campagne, dans des manoirs, avec des hommes d'armes autour d'eux, qui sont leurs vassaux. Ils exploitent les paysans, ils les font travailler et parfois, dans le cas des guerres civiles, eh ben, ils perdent leur domaine, dont ils sont très fiers, parce qu'ils en portent le nom, comme chez nous d'ailleurs. Et donc les guerres sont des guerres pour l'appropriation de la terre et de la propriété foncière. À partir de la fin du XVIe et du début du VIIe siècle, avec la stabilisation des rapports de force, les samouraïs, les guerriers, sont contraints de vivre dans des villes, au pied du château de leur seigneur, et ils sont les vassaux de leur seigneur, mais au lieu d'être indépendants sur leur terre, ils sont désormais des administrateurs, en fait, de fait, hein, au service du daimyo, c'est-à-dire du seigneur. Du coup, il y a une transformation radicale de cette classe sociale qui, de classe rurale, devient une classe urbaine et d'une classe de combattants devient une classe d'administrateurs. Dans la deuxième phase, donc la phase de l'époque d'Edo, où les guerriers vivent dans les villes et sont des administrateurs, on a donc, paradoxalement, développement d'une idéologie du Bushido qui renvoie à des pratiques qui sont celles de la période précédente, mais qui sont déjà désuètes et qui n'existent plus dans la période dans laquelle ils vivent. Or, c'est cette espèce d'idéologie du Bushido qui va survivre, bien que critiquée à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, et qui va réapparaître à la fin du XIXe, au moment où le Japon moderne commence à s'engager dans des guerres impérialistes. Et donc, le Hagakure, par exemple, qui a été redécouvert donc dans les premières années du XXe siècle, va servir de livre de chevet aux officiers militaristes des années 30. Et d'une certaine façon, il sera donné à lire aux soldats japonais, qui le lisent ou qui le lisent pas, mais il y a un certain nombre de textes produits par l'armée et la marine à cette époque-là, qui renvoient à des expressions du Hagakure. Et donc, d'une certaine façon, il y a une sorte de re-samouraïsation de la société dans le cadre d'un nationalisme expansionniste et militariste dans les années 30. Et qui alors présente une vision du samouraï qui est bien plus dorée que ce qu'elle était à l'époque, c'est ça ? Alors là, on présente une vision du samouraï qui est dorée ou pas, je ne sais pas, mais par exemple, on explique, et c'est certain, que dans les guerres médiévales, par exemple, les guerriers se battaient pour leur terre. Donc ils se battaient à fond pour leur terre, parce que ce qui se passait s'ils étaient vaincus, c'est que leur terre était prise par le vainqueur, mais aussi leurs femmes et leurs enfants. Donc c'était un déshonneur total. C'était impossible de vivre si on vous a pris votre terre, votre femme, votre famille, vos enfants. Donc, la seule issue possible, c'est la mort. Donc, le suicide au soir de la bataille. Qui se faisait d'ailleurs pas par harakiri à cette époque-là, mais d'une manière différente, peu importe. Donc là, il y a une sorte de, d'exacerbation des sentiments qui font que on ne peut pas reculer. Quand on est engagé dans une bataille, il faut vaincre. Quels que soient les moyens. Et donc le recul ou la capitulation ou se faire prisonnier, se constituer prisonnier est impensable. Ce qui évidemment n'est pas le cas du tout dans la société féodale occidentale, où au contraire, on se fait faire prisonnier, on paye une rançon, etc. Il y a toute une série de pratiques dans la société féodale occidentale qui sont beaucoup moins violentes en réalité que dans la société japonaise. Or ces pratiques-là, qui avaient été complètement oubliées évidemment, puisque pendant 2 siècles et demi, il n'y a plus de guerre, ces pratiques-là ressurgissent en quelque sorte, non pas pendant les guerres contre la Chine et la Russie, mais à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il s'agit d'expliquer aux soldats japonais que, comme les samouraïs d'autrefois, ils doivent se battre pour l'empereur sans jamais reculer, etc. D'où ces comportements extrêmement agressifs des armées japonaises contre les populations civiles d'une part, et d'autre part, dans les combats eux-mêmes, où les Américains, par exemple, sont totalement ahuris de voir les Japonais chargés à la mort, par exemple, comme ça a été le cas dans plusieurs batailles du Pacifique, ou bien version encore pire, si je puis dire, c'est les fameux pilotes kamikazes qui se jettent, se suicident en quelque sorte, se jettent sur les bateaux ennemis pour les faire couler, au détriment de toute rationalité, du moins aux yeux des Américains. Mais cette importance accordée à l'honneur qui dépasse même le fait de la mort, dans quelle mesure est-ce propre aux samouraïs? Est-ce que ce n'est pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas une influence des religions qui sont de vigueur à ce moment-là au Japon? Ou est-ce que c'est vraiment eux qui investissent ce code de l'honneur en le plaçant au-dessus, au sommet de l'échelle des vertus morales? Mais ça, c'est une des caractéristiques de la classe des guerriers. À la différence de l'aristocratie de cour, par exemple, qui est une aristocratie civile de fonctionnaires, l'honneur n'existe pas, enfin pas à un point pareil, en tout cas dans cette couche sociale qui pourtant a produit la plupart des grandes œuvres de la littérature, par exemple, de l'époque ancienne. Là, on a vraiment un changement de valeurs. Et les samouraïs s'affirment par rapport à cette aristocratie parce qu'ils portent des valeurs différentes qui sont considérées comme des valeurs barbares par l'aristocratie elle-même, qui d'ailleurs parfois s'en moque un peu. Mais qui néanmoins sont à prendre en considération à partir du moment où les samouraïs s'emparent du pouvoir politique. Mais ça veut dire qu'il y a comme une philosophie ou une éthique samouraï qui viendrait se distinguer du confucianisme, du taoïsme, du bouddhisme et d'autres formes de spiritualité. Alors, il y a une éthique, effectivement, qu'on ne trouve ni dans le confucianisme, ni dans le bouddhisme, ni dans quoi que ce soit d'autre, qui est une éthique originale. Mais qui fonctionne par bribes, par lambeaux, qui n'est pas un discours complètement cadré. Le premier qui cadre ce discours, c'est Nitobe Inazo en 1898, donc 20 ans ou 30 ans après la disparition des samouraïs, quand il écrit ce livre « Bushido, Soul of Japan ». Et donc là, il y a une sorte de reconstitution de ce que fut l'idéologie samouraï à la fin du 19e siècle. Mais par exemple, dans le Japon médiéval, on insiste beaucoup sur un certain nombre de valeurs parmi les guerriers. Hein, la fidélité au souverain, la loyauté. Ils sont toujours du côté ce sont des vassaux, les samouraïs. Alors, les samouraïs, c'est des guerriers, mais c'est aussi les chefs des guerriers. Voilà, c'est toute la classe guerrière. Donc pas forcément fidélité, ils peuvent être eux-mêmes suzerains. Ah, ils peuvent être suzerains eux-mêmes, ouais. Dans ce cas-là, ils exigent la loyauté de leur sujet, de leurs vassaux. Là, il y a donc des valeurs là qui sont mises en avant, mais qu'on trouve aussi par bribes dans le confucianisme, par exemple, le fait d'être loyal au ministre, par exemple, ou d'exercer une forme de piété filiale vis-à-vis de ses parents, c'est aussi une forme de loyauté. Donc, on retrouve de manière exacerbée chez les samouraïs, chez les guerriers, un certain nombre de valeurs. Alors, je dirais la loyauté, la fidélité d'un côté, le courage physique de l'autre, une forme aussi de frugalité, voire d'abnégation, qui sont mises en avant. Bon, mais au-dessus de tout, il y a le respect de l'honneur, et en particulier de l'honneur. Pour un samouraï, perdre la face. Alors c'est ça qui fait dire aux Occidentaux un peu pressés que les Japonais, faut surtout pas leur faire perdre la face. Mais dans la société japonaise guerrière, perdre la face, c'était effectivement quelque chose de terrible. Parce que perdre la face, c'était perdre son honneur, c'était être remis en cause en tant qu'homme. Et là, on retrouve des valeurs qui sont très liées à la virilité. Parce qu'évidemment, tout ce que je raconte là, c'est une idéologie de mec, si je puis dire. On va écouter un extrait du Bushido dans la version Yamagasoko. Donc là, nous sommes au XVIIe siècle, c'est ça, qui donne, vous l'avez bien dit, à quel point ce texte pouvait être poser un regard rétrospectif sur ce qu'étaient les samouraïs avant, mais il a le mérite d'établir clairement l'importance de l'honneur, et surtout l'importance de l'honneur au moment de mourir. Si nous avons le choix entre continuer à vivre et mourir dignement, il vaut mieux mourir dignement, semble nous dire le texte. Écoutez. Bushido signifie la volonté déterminée de mourir. Quand tu te trouveras au carrefour des voies et que tu devras choisir la route, n'hésite pas. Choisis la voie de la mort. Ne pose pour cela aucune raison particulière, et que ton esprit soit ferme et prêt. Quelqu'un pourra dire que si tu meurs sans avoir atteint aucun objectif, ta mort n'aura pas de sens. Ce sera comme la mort d'un chien. Mais quand tu te trouveras au carrefour, tu ne dois pas penser à atteindre un objectif. Ce n'est pas le moment de faire des plans. Tous préfèrent la vie à la mort. Et si nous nous raisonnons, ou si nous faisons des projets, nous choisirons la route de la vie. Mais si tu manques le but, et si tu restes en vie, en réalité tu seras un couard. Ceci est une considération importante. Si tu meurs sans atteindre un objectif, ta mort pourrait être la mort d'un chien, la mort de la folie. Mais il n'y aura aucune tache sur ton honneur. Dans le Bushido, l'honneur vient en premier. Par conséquent, que l'idée de la mort soit imprimée dans ton esprit chaque matin et chaque soir. Quand ta détermination de mourir en quelque moment que ce soit aura trouvé une demeure stable dans ton âme, tu auras atteint le sommet dans l'instruction du Bushido. Ce qui est très étonnant dans ce texte, Pierre-François Souhiri, c'est l'importance qui est donnée à la disqualification de la raison. Si tu croises la mort sur ta route, choisis cette voie, ne pose pour cela aucune raison particulière et que ton esprit soit ferme et prêt. Et enfin, plus bas également, tous préfèrent la vie à la mort, et si nous raisonnons, nous choisirons la route de la vie. Comme si c'était une éthique qui devait se situer, faire un pas de côté par rapport à la raison, car la raison nous ramènerait en vie, alors que l'honneur serait alors du côté quoi? De la déraison, de quelque chose qui dépasse la raison? Si vous voulez, les samouraïs sont dans une situation idéologiquement assez difficile, pour dire les choses clairement. Pourquoi? Parce que toute la société japonaise est imprégnée de confucianisme. Le confucianisme, c'est quand même une forme de discours qui vise à légitimer le pouvoir par le savoir, le respect des rituels, la bienveillance, etc. Et les samouraïs sont pas légitimes de ce point de vue-là. Ils sont légitimes parce qu'ils ont vaincu. Ils ont gagné la guerre. Les guerres du XVIe siècle. Hein. Donc la coalition qui sort vainqueur de ces guerres, c'est celle des Tokugawa, donc ils vont devenir shogun. Et c'est cette victoire qui finalement est pour eux la justification de l'ordre. Alors viendra ensuite une deuxième idée, c'est que cet ordre est maintenu et la paix règne au Japon. Et c'est vrai que la paix va régner pendant 2 siècles et demi, ce qui est quand même une gageure. C'est-à-dire ce pays qui est présenté comme un pays extrêmement violent, avec des samouraïs, c'est un pays quand même qui maintient la paix. Ce qui n'est pas le cas de nos sociétés. Si on regarde le nombre de guerres qu'a fait un pays comme la France ou l'Angleterre entre, disons, le règne d'Henri IV et le milieu du XIXe siècle, c'est effarant. Donc on a une sorte de contradiction là. Et plus on rentre dans un univers de paix, dans un univers policé, dans un univers civilisé, plus les guerriers se raidissent sur un discours qui devient un discours, effectivement, irrationnel d'une certaine façon, où la mort est mise en avant, parce qu'il faut se tenir et tenir son rang. Et comment on tient son rang? Ben en effrayant les autres. Et ce discours qui fait fi de la mort est un discours qui effraie. Les samouraïs dans la société japonaise à cette époque-là sont des gens effrayants. On en a peur. On change de trottoir quand on en croise. Et on se prosterne le front dans la poussière quand il y en a qui passent parce que on veut pas croiser leur regard. Donc, il faut bien comprendre que cette classe sociale se maintient avec un discours légitimateur qui, pour partie, repose sur une forme de violence. Et plus que ça même, de peur. Et ce qu'il faudrait dire là maintenant, c'est que les samouraïs représentent 5%, disons, de la société japonaise. Ça veut dire que 95% de la société japonaise n'est pas samouraï. Mmh. Déteste ces gens-là. Les craint, en a peur. Et à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les méprise. Elle les méprise pourquoi? Parce que ils sont moins riches que les marchands et beaucoup d'artisans. Parce que ils font les fiers à bras, mais ils sont incultes. parce qu'une nouvelle culture est en train de surgir, une culture urbaine cette fois-ci, qui est une culture très différente, qui repose sur des valeurs très différentes du Bushido, notamment la culture de l'Iki, qui naît dans les quartiers de plaisir à la fin du 18e, et qui, d'une certaine façon, est une sorte de critique voilée, parce qu'on peut pas y avoir de critique frontale à l'époque, une critique voilée de ce qu'est l'univers intellectuel ou l'univers spirituel des samouraïs. Il y a donc d'une certaine façon une sorte de... Comment dire les samouraïs s'arc-boutent en quelque sorte sur ces notions de mort et d'irrationalité, vous avez parfaitement raison de le souligner, parce que leur pouvoir n'est pas si légitime que ça, il ne fonctionne que sur la base d'un rapport de force. Il faut effrayer les autres. Et pourtant on leur doit la paix, dites-vous. Et en même temps on leur doit la paix. Et donc du coup ça les légitime bizarrement. Enfin, ça légitime en tout cas le régime. Et quand les canonnières américaines arrivent au milieu du 19e siècle et imposent des traités inégaux, eh bien, du coup, le shogunat perd une grande partie de sa légitimité parce qu'il est plus capable. D'abord, il a cédé aux Occidentaux un peu trop vite, dit-on. En fait, il avait raison parce qu'ils auraient été balayés militairement. Mmh. Et surtout, il ne maintient plus l'ordre. Donc, à partir de ce moment-là, toute l'idéologie samouraï s'effondre et on se tourne vers d'autres valeurs. Qui sont les valeurs d'un côté de la civilisation chinoise, enfin le confucianisme pour faire simple, ou le néo-confucianisme, et puis de l'autre côté les nouvelles valeurs occidentales qui commencent à arriver. Donc on a à ce moment-là une sorte d'effondrement. Et il faut bien comprendre que il y a des tas de haïkus, vous savez ces petits poèmes japonais très brefs où on se moque. Des samouraïs avec des formules extrêmement j'en cite quelques-uns dans mon livre oui. Avec des formules extrêmement courtes du genre un poète par exemple qui est assis tranquillement au chaud, qui regarde par la fenêtre, il pleut et il y a toute une cohorte de samouraïs qui est en train de marcher, ils sont trempés par la pluie et lui dit ben voilà, eux ils sont trempés par la pluie, ce sont des samouraïs, moi je suis au chaud, je ne suis pas un samouraï. Enfin, quelque chose comme ça. Hein. Donc, il y a beaucoup de poèmes de ce type-là, qui sont des espèces de critiques voilées, des critiques ironiques de cette société. Et les samouraïs, alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que dans le cadre de la, disons, des rapports de genre, il faudra en dire un mot quand même, pendant le XVIIe siècle, les samouraïs apparaissent comme le symbole même de la virilité ou de la masculinité. Et d'une certaine façon, ils sont admirés par les femmes. Parce qu'ils sont des hommes, entre guillemets. Ils développent cette idéologie, en tout cas, où les vrais hommes, ce sont ceux qui sont les guerriers, les samouraïs. Or, ça ne marche plus à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et ce qui plaît aux femmes, enfin, la virilité, la nouvelle, enfin, la masculinité plutôt, qui plaît, disons, de façon générale, aux femmes des milieux les plus éduqués, c'est au contraire, c'est une autre idéologie, celle de l'Iki en particulier, qui repose sur une forme de raffinement, de culture, d'élégance, de chic. Mais les samouraïs qui sont admirateurs du théâtre de No, qui suivent la voie du thé, c'est un mythe qui ont ce raffinement, justement ? Non, mais le théâtre No a été fondé par des parias et la voie du thé par des bourgeois. Donc, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué, mais ce raffinement-là n'est pas étranger aux samouraïs qui est par ailleurs très violent. Ah non, mais c'est toujours le même problème. On parle d'une classe sociale, donc il y a des centaines de personnes. Mais disons que s'il y a parmi ceux-ci des gens qui sont extrêmement raffinés, y compris parmi les daimyo et certains shoguns qui sont des gens extrêmement cultivés, on a, disons, dans la masse de la population samouraï, des gens qui parfois sont relativement cultivés parce que pour survivre ils sont obligés d'être médecins, d'être instituteurs, d'être bon. Et puis vous en avez d'autres qui sont d'une inculture qu'ils revendiquent d'une certaine façon parce que ils font les fiers à bras, ils se baladent avec leur sabre dans la rue, tout le monde se détourne d'eux quand ils passent. Et ils maintiennent comme ça, fictivement, une forme de pouvoir, mais petit à petit ce pouvoir paraît ridicule. Je pense à un autre haïku qui dit quelque chose comme il se cure les dents comme s'il avait l'air d'avoir bien mangé, mais en fait il a le ventre creux, le samouraï. Au-delà de la, on va y revenir d'ailleurs, mais cette importance accordée à la mort, au choix de sa mort, ce qui laisse penser que de cette voie-là suivie par les samouraïs jusqu'à des phénomènes plus contemporains qu'on connaît davantage encore aujourd'hui, qui sont le kamikaze, il y a peut-être une voie directe, on va y revenir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres notions ou valeurs autour desquelles les samouraïs pourraient se regrouper, comme celle de justice par exemple, où il faut distinguer le coupable de l'innocent? Alors ça, c'est quelque chose qui a été... C'est pas les samouraïs, ça c'est l'État. La naissance d'un État guerrier, d'un État donc shogunal, au début du XIIIe siècle, implique une sorte de, un début de pacification des mœurs. C'est une politique qui sera reprise justement au XVIIe siècle plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la société samouraï guerrière traditionnelle, du moins au Moyen-Âge, la vendetta par exemple est une pratique courante, d'où l'importance de ces guerres privées, ces guerres seigneuriales. Or, à partir du moment où ils veulent constituer un État qui tient debout, au début du XIIIe siècle, le régime shogunal de Kamakura, installé dans la ville de Kamakura, eh bien, à ce moment-là, il commence à réfléchir sur la notion de justice, de bien et de mal, et ils veulent absolument couper les décisions de justice avec les intérêts privés. C'est-à-dire que les membres de la Cour de justice qui est créée à cette époque-là, donc on est vers 1230, les membres de la Cour de justice doivent couper leurs liens féodaux personnels qu'ils entretiennent avec leurs vassaux si ces vassaux sont pris dans une affaire judiciaire. Donc, la logique voudrait que tel seigneur défende son vassal devant qu'il soit coupable ou innocent, défende son vassal devant la Cour de justice. Or, le nouveau régime insiste là-dessus. Les membres de la Cour de justice doivent faire abstraction de leurs liens personnels parce que la justice est plus importante que le comportement, les relations individuelles entre les gens. Et ça, c'est une petite révolution. Mais c'est une révolution parce que ils sont en train de mettre en place un État. Mais comme cet État va s'effondrer un siècle plus tard, on repart à zéro en quelque sorte. Et ce n'est qu'au début du XVIIe siècle qu'on va revenir à ce type de pratique où la justice doit passer avant les intérêts personnels. Et au nom du maintien de l'ordre toujours. Au nom du maintien de l'ordre. C'est pas le moral derrière. C'est pas au nom du bien contre le mal. Si, parce que l'expression c'est juger ce qui est bien et mal. C'est quand même les mots qu'ils ont utilisés. Un gosaibai shikimoku, c'est ça, c'est la notion de bien et de mal. Et ils insistent là-dessus. Alors, il y a ça d'un côté, puis de l'autre côté, vous avez aussi ces règlements qui sont mis en place pour justement pacifier la classe des samouraïs et l'empêcher de faire du n'importe quoi, si je puis dire, et notamment de se venger personnellement. C'est que dans une querelle entre deux personnes, eh bien, les deux sont considérés comme coupables. Et donc, le seigneur les oblige. Si la querelle a débouché, par exemple, sur une mini-guerre civile, le seigneur, le suzerain, les oblige, par exemple, à se suicider l'un et l'autre, quels que soient les torts. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi qui finalement engage les deux parties. Dès que les papiers arriveront, nous vous mettrons à mort. C'est vous qui avez apporté la radio dans le camp. Vous savez que cette accusation est fausse. Fausse? Si ce n'est pas vous, alors, qui est-ce? Vous préférez punir un homme qui n'y est pour rien que de laisser le crime lui-même inexpliqué et sans punition? Oui. Et peu importe qui vous punissez. Oui. Je vais mourir pour préserver votre sens de l'ordre. Oui. Je sais que vous comprenez, Laurence. Vous devez mourir pour moi. Oui, je comprends. Ce sont vos dieux. Vos espèces de saloperies de dieux qui ont fait de vous ce que vous êtes. Qu'ils aillent pourrir dans les saletés de l'enfer d'où ils viennent. Qu'ils aillent au diable! Allez au diable! Saloperie de Dieu! Allez au diable! Vous êtes... Bata! Avez-vous vu Furio de Nagisa Oshima, Pierre-François Souiri? Oui, il y a longtemps, oui. Vous voyez cette scène où le Lawrence, joué par David Bowie, se fait punir pour avoir volé un poste de radio ou introduit un poste de radio. On sait très bien que c'est pas lui le coupable, mais il faut le punir, car il vaut mieux punir un innocent que de laisser un crime impuni, selon un certain code. Alors, est-ce que c'est un code genre samouraï moderne, transposé de la Seconde Guerre mondiale? Bon, c'est du cinéma. Donc, Ça dit quelque chose de la société, quand même, le cinéma. Oui, mais c'est une interprétation. Si vous voulez, pendant la Seconde Guerre mondiale, on est dans un état, dans un type d'état qu'on peut qualifier de totalitaire ou quasi-totalitaire, où l'ordre doit être préservé à tout prix, quelles que soient les conséquences que ça peut avoir. Mais ça, je pense qu'on le retrouverait dans n'importe quel type de société du même type. C'est pas spécifique au Japon. Alors, les Japonais, la différence, c'est que dans ce film ou dans d'autres écrits, revendiquent cette filiation avec le système d'autrefois, donc l'ordre des samouraïs. Mais je pense pas qu'il faille attribuer une importance plus que ça. Dans n'importe quel... regardez ce qu'on a fait... quand on arrête les gens en Union soviétique, ils disent ils sont pas coupables et on leur dit mais on s'en fiche, c'est comme ça. Donc c'est un petit peu la même logique, c'est une logique totalitaire, ça je dirais, d'un État totalitaire qui ne peut supporter la contestation. Donc oui. Peu importe que la justice soit présente, ce qui est important c'est que l'ordre règne. L'ordre règne à n'importe quel prix. Et que la mort puisse être choisie. Encore un point sur un aspect beaucoup plus contemporain de ce qui resterait peut-être de l'éthique samouraï. Lorsque en France, enfin en Occident et en France en particulier, on s'interroge sur cette éthique-là, cette éthique samouraï, on peut penser à un ouvrage qui s'appelle « Le Japon moderne et l'éthique samouraï » qui est écrit en 1967, publié en 85 par Mishima. Mishima est un écrivain japonais qui va se suicider en public devant la télévision après un coup d'État raté et qui revendique dans un texte que je vous propose d'écouter parce qu'il est vraiment très très fort, ce choix de la mort qui est plus important que la mort elle-même serait plus importante que la vie, pour une simple et bonne raison, c'est que la conception même de la mort est très différente dans son éthique et celle dite occidentale. Écoutons le texte et puis vous nous direz ensuite, Pierre-François Souris, ce qu'il en est. De tout temps, sous la surface du quotidien, la conscience de la mort a marqué le peuple japonais de son empreinte sinistre. Mais la conception japonaise de la mort est directe et claire. Elle diffère en cela de la mort effrayante et hideuse que se représentent les Occidentaux. Jamais n'a existé dans l'imagination japonaise un dieu de la mort comparable à celui de l'Europe médiévale, le temps, avec sa grande faux. L'image qui a longtemps enrichi l'art japonais n'est pas celle d'une telle mort, mais celle d'une mort par-delà laquelle jaillit une source pure qui ruisselle constamment sur notre monde en mince filet purificateur. Nous nous réfugions dans l'illusion que nous sommes capables de mourir au nom d'une croyance ou d'une théorie. Ce que nous dit le Hagakure, c'est que même une mort sans gloire, une mort futile qui ne porte ni fleurs ni fruits, a une dignité en tant que mort d'un être humain. Si nous plaçons si haut la dignité de la vie, comment ne pas placer aussi haut la dignité de la mort ? Quel texte, Pierre-François Souris ? C'est quand même un texte qui dit qu'une mort sans gloire, une mort futile, qui ne porte ni fleurs, ni fruits, a une dignité en tant que mort d'un être humain. Oui. Bon, Mishima est un écrivain, comme vous le savez, donc qui a produit son œuvre entre la fin de la guerre et 1970. Il était quand même relativement marginal lui-même dans son temps. Et il était suicidaire. La preuve, c'est qu'il s'est suicidé. Et je pense qu'il ne faut pas... il est exactement dans la même tournure d'esprit, d'ailleurs, que l'auteur du Hagakure dont on parlait tout à l'heure, au début du XVIIIe siècle. Donc, il produit effectivement un texte qui est magnifique. Du point de vue littéraire, c'est un très très beau texte. Mais... il est complètement en dehors de son temps, c'est-à-dire que quand il s'est suicidé à la suite d'un espèce de vous disiez un coup d'État, c'est surtout une espèce de pièce de théâtre qu'il a joué. Et une mise en scène de sa propre mort. Une mise en scène de sa propre mort, camouflée sur une vague tentative de coup d'État qui n'est. Les Japonais étaient absolument catastrophés lorsque ça s'est produit. Catastrophés parce que évidemment ça a eu un retentissement médiatique international énorme à cette époque-là, alors que le Japon, depuis 1945, essayait d'expliquer au monde entier que c'était un pays pacifique, que tout ça c'était fini, qu'on n'en parlerait plus, etc. Et donc l'émergence de la figure de Mishima et surtout de sa mort mise en scène, ça a été vraiment quelque chose qui gênait les gens. Les gens ils fuyaient quand on leur parlait de Mishima, les Japonais, à cette époque-là. Donc Là aussi, c'est comme l'auteur de Hagakure, lorsque le seigneur lit ce texte, ils disent « mais ce type est fou ». Et les Japonais, quand ils ont vu Mishima, ils ont dit « mais ce type est fou ». Et d'ailleurs, les soldats qui étaient, puisqu'il a fait sa harangue devant les soldats sur la base de la caserne d'Ichigaya à Tokyo, les soldats qui étaient là le huaient, le conspuent. « Dégage », ils lui disent, « fiche le camp ». Et lui, il continue son discours. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de contradiction totale entre ce type de discours, qui sont des discours, je dirais, esthétisants, esthétiques, et fondamentalement suicidaires, et puis la réalité, la vie quotidienne des gens qui se passent... Mais sous cette forme-là que dure l'éthique samouraï aujourd'hui, qu'elle persiste, non? Cette forme un peu esthétisante... C'est plutôt, je dirais, c'est le champ du cygne, hein, parce que l'éthique samouraï, aujourd'hui, ça ne correspond plus à rien. Voilà, si ce n'est une sorte d'idéalisation du passé... C'est une idéalisation du passé, certes, mais personne aujourd'hui ne se revendique d'une manière ou d'une autre. Parmi les grands écrivains japonais d'aujourd'hui, les cinéastes, allez chercher qui vous voulez, personne ne se revendique de cela. Mishima fut certainement le dernier de ce point de vue-là. Merci beaucoup Pierre-François Souris d'être venu nous parler des samouraïs aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, Les guerriers dans la rizière, la grande épopée du Japon. Un livre disponible aux éditions Flammarion. On se quitte avec une chanson folklorique, une danse d'awa, qui nous conduira tout droit vers la chronique d'Aurélien Bélanger. France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver Aurélien Bélanger et sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question ce matin est la suivante. Qu'est-ce qu'un événement historique? Eh bien, si on part du plus petit dénominateur commun, un événement, c'est une date qu'on connaît et qu'on apprend. Et plus précise est-elle, plus l'événement est important. Précise, mais sans année. C'est ce qu'on a connu longtemps avec le 11 septembre. On ne disait pas 11 septembre 2001, mais 11 septembre. Comme si chaque 11 septembre devait entraîner mécaniquement sa commémoration. On verra ce qu'il en est, justement, après l'imminente commémoration des 20 ans, si on dit encore 11 septembre, comme on dit 14 juillet, ou si on commence à remplacer la date par l'année. 14 juillet, qui est justement une date tellement pure et tellement libérée du système des années, qu'on ne sait pas trop si on commémore ce jour-là la prise de la Bastille en 1789, ou sa première commémoration, la fête de la Fédération au 14 juillet de l'année suivante. C'est comme si l'événement ricochait sur toutes les années. D'ailleurs, notre calendrier lui-même, depuis qu'on l'a fait commencer à la naissance de Jésus, est lui-même un ricochet, une commémoration permanente. Le rythme de l'événement, on le voit, se moque un peu du temps du calendrier, puisque le calendrier, c'est lui. Ainsi, du 18 Brumaire, que les historiens ou les démocrates voient plutôt comme la date de fin de la Révolution, mais qui, parce qu'il est la dernière date du calendrier révolutionnaire demeurée dans l'usage courant, apparaît plutôt, paradoxalement, comme une spectaculaire survivance de la Révolution. Et l'empereur aura beau rétablir le calendrier romain, il est vrai spécialement adapté à un empereur. Sa prise de pouvoir demeure à jamais prisonnière du calendrier républicain. De là vient peut-être cette impression d'uchronie de la période napoléonienne. Mais c'est bien sûr à Marx, qu'on doit d'avoir définitivement fait du 18 Brumaire un événement un peu hors du temps. Et oui, Karl Marx et de son célèbre essai sur le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Exactement, le 18 Brumaire se trouve par là arraché au monde des calendriers pour entrer dans celui des concepts. Le Brumaire, le 18 Brumaire, devient un type d'événement. Mais alors quel type d'événement, Aurélien ? Ben, pas le coup d'État en lui-même, je crois. En tout cas, le célèbre incipit du livre de Marx dénie ironiquement à celui-ci sa quelconque splendeur. Hegel remarque quelque part que tous les grands événements, toutes les grandes figures se produisent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d'ajouter la première fois comme tragédie, la seconde comme une farce. L'événement, là-bas comme ici, serait donc un événement négatif. Ce serait l'échec de la Révolution, ou sa confiscation plutôt, pour les intérêts particuliers d'une classe ou d'un homme. Reste cette impression, en lisant ce Marx, qui n'est pas encore celui du Capital, qu'on a affaire à un journaliste de génie. Sa façon de raconter la Révolution de 1848 est absolument prodigieuse et quasi exhaustive. Sans doute les historiens pourraient-ils en compléter la fresque ou en corriger le tableau, mais raconter aussi bien les événements que Marx, cela me paraît impossible. Et si c'était ça un événement finalement, ce serait un récit réussi ? Eh bien probablement oui, un récit si réussi qu'il se moque de l'histoire passée et à venir. Le concept de révolution qui cristallise ici dans ce récit fabuleux de Marx acquiert une clarté qui tend presque à la prophétie. D'ailleurs sur ce point, et c'est toute l'ironie de ce concept littéraire de l'événement qui transparaît ici, l'autre très grand récit de la révolution de 1848, celui que fera Flaubert dans l'éducation sentimentale, finira un temps par remporter la bataille interprétative, au titre qu'on y lira par exemple une géniale préfiguration de la révolution ratée de 1968. Mais le livre de Marx est trop bon pour qu'il ait dit son dernier mot. En tout cas, l'histoire qu'on croyait arrêtée en 1989 ou relancée en 2001 apparaît bien plutôt suspendue. En ces temps confus que nous connaissons et tout autant pré-révolutionnaires que pré-dictatoriaux, à cette dialectique des événements merveilleusement racontés par Marx. Et que Marx commence à nous paraître meilleur écrivain que Flaubert, voilà un vrai événement historique. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie de l'époque qui avait préparé cette émission sur l'éthique des samouraïs. C'était Sharon Oury qui avait préparé cette émission. Elle était à l'époque accompagnée de Colomba Grossi, Marie Simon, Isis Jourda, Anaïs Isbert et Géraldine Mosna-Savoie qui sont toujours avec nous. Heureusement, Nicolas Berger, lui aussi, fidèle au poste. La prise de son, c'était Emmanuel Morse d'Incan, mais j'en profite pour saluer Nasser Moussaoui qui est aujourd'hui derrière la vitre. Et à la lecture des textes, c'était Shams Oda. Je vous donne rendez-vous demain pour un cours particulier. Comme tous les vendredis, hein, vous le savez, on donne la parole à des personnes qui viennent parler de leur pratique, de leur métier. Et bien demain, on parlera du métier de politique. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme politique, d'exercer le pouvoir, de jouir du pouvoir, la difficulté de se retirer aussi. Et nous serons en compagnie du maire du Havre et de l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Ce sera demain à 10h. D'ici là, surtout, n'hésitez pas à réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter les émissions où vous voulez et quand vous voulez. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.